J'attendais, le jour et la nuit, j'attendais mon ok, mon rentre en onde, mon petit. Mais là, c'est pas ça, l'autre est en train de manger sa pointe de pizza. Jamais offrir de nourriture avant l'émission, toujours après, pour plusieurs raisons. La première, que ça donne le goût à l'animateur de vouloir bouffer lui aussi. Alors, comme dit ma dramaturge, bouffon. Ah ouais, le bouffon, mange le bouffon. Mais mon ma petite 5-5, tu vas te faire de ma gueule. Mais jamais manger avant. Parce que pour les petits hockey, les roues avec une boisson gazeuse, là, ou une bière, ne pas faire ça avant. Boire peut-être de l'eau, la méchamel, boire de la méchamel. Ça te fait un fouet passablement relevé. Non, le fouet n'est pas relevé, le fouet est crémeux. Tu dis à ton épouse hein, le lendemain, excuse-moi ma petite chérie, là, mais je vais prendre un bouillon ce soir. Là. Mais un bouillon, voyons donc, c'est notre souper entre amoureux. Entre amoureux, ben là. Appelle ma copine, il n'y a pas de problème. Ta copine? Oh, ma copine est main ouverte. Elle est ouverte à quoi? À la crémeuse? À la crémeuse. Oh mon Dieu, c'est la traditionnelle. Ah, elle est très traditionnelle. Tu lui demandes ce que tu veux, puis elle va te le donner. Elle te le donne. Elle s'appelle Gaétane, elle te le donne. Ah mon Dieu, c'est quoi son numéro? Elle te le donne. Elle te le donne quand? Elle te le donne. C'est. Hey, on est en communication. Si tu lui donnes, elle te le donne. Ah mon Dieu. C'est bizarre, cette histoire-là, c'est très, très bizarre. Heureusement que l'émission ne l'est point. Aïe, aïe, donc, sur la gueule, le point sur la gueule. À hauteur de fille, plane un charme fou. Plus étonnant que le printemps, plus pétillant que l'Espagne, plus enivrant que le firmament, à hauteur de fille, il veut devenir le prince désarmant. Pour exploser en mille facettes sur le parfum déposé sur les corps exposés. C'est écrit, c'est de Reynald Lodicry Gagné. Dans mon cours de création littéraire, à l'époque, comme je disais il y a quelques semaines, à l'époque où j'étais d'époque, le nom que j'indiquais sur mes écrits, c'était Reynald, entre guillemets, le néant, fermez les guillemets, Gagné. Ça troublait les professeurs. Puis à chaque fois, on me demandait pourquoi le néant? Mon petit côté foulard en l'air, là. Ah, le néant! Toi, professeur, qui n'as pas compris les textes, toi qui n'es pas assez poète pour en vivre. C'est là que tu nous enseignes. Toi, professeur en théâtre, qui n'as pas assez de talents pour monter sur scène et devenir une grande vedette. Tu dois enseigner. Toi, professeur de chant, qui a le trac devant le public, Tu dois offrir ton expérimentation auprès des prépubères pour apprendre des textes et des chansons anodines. Le chat de ma voisine, qui a pas ma cousine, et qui fait ses cron-cron-cron sur le balai de ton-ton-ton. Le chat de ma voisine, qui a pas ma cousine, et qui fait, pas les chats. J'aime ça faire le chat, hein, depuis quelques émissions. Là. Il est touchant, le chat, chat, chat, ron-ron-ron, il vive le chat, il vive le chat. Il fait froid dans le monde. La semaine dernière, est-ce que vous vous rappelez? Je me rappelle que tu étais passablement disjoncté. Et cette émission-ci? Cette émission-ci le sera aussi. Merci beaucoup. À la volonté. Il fait froid dans le monde. Ça commence à se savoir. Il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur. Traduisez. C'est un extrait d'un texte de Brigitte Fontaine. La chanson s'intitule « Comme à la radio ». Comme à la radio. C'est des cours, ça? Monsieur le Président, pourquoi on s'est placé dans la salle de bain, là? C'est très bon, ça. Mais oui, Monsieur le Président. Mesdames les pas trop catholiques. Madame les voluptés, vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et transgrénadienne. C'est important, ça? Très important? Excuse-moi, là, j'ai comme une réverbération d'un temps passé. Et si ma mémoire ne fait pas défaut? Elle le fait très bien, mais même apparaît pas son âge, ta mémoire. Non, je te le dis, là, même pas besoin de te mettre de baume. Baume? Non, mais même pas, ça, c'est tout beau, tout lisse, tout beau. Lisse, Thibault, chante-moi ta chanson, s'il te plaît. On va te laisser quelques secondes là, pour te réchauffer. Si tu veux sortir à l'extérieur, ça commence à se réchauffer, hein? Oh, tranquillement, pas vite. Pas très, très, très vite. Et puis vous, comment ça va à la maison? Avez-vous fini votre bonnet de laine? Non, mais ça tricote, hein? Maille à l'endroit. C'est pas ça. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, il faut se rappeler ça tout le temps, continuellement. Puis là, les professionnels font même plus ça, là. Ça parle en tricotant. Ah, ouais. Un petit dernier, là, hein. Ça ne digère pas sa sauce à spaghetti. Ah, non. Elle n'a pas réussi, ça fait 3 semaines. On est obligé de manger de la raclette. Ben oui, de la grosse raclette. Puis elle ne sait pas comment faire ça. Là. On mange la chenoute depuis 3 semaines. Ah, merde. Non, mais c'est normal, hein. L'hiver est long. C'est long, l'hiver. Il tardera pas aussi quand on le passe à la fenêtre. Avec des si et des peut-être et des mots vieux, mieux vaut pas y penser. Parce que l'homme est parti pour travailler, la femme est seule. La femme est partie pour travailler. Ben non, depuis quand? Ben depuis que Madame Lise Payette a dit « Les femmes ont le droit de tout faire comme les hommes. Elles sont l'équivalent. » Ça, c'est intelligent. Bravo, Lise. C'est pour ça, depuis ce temps-là, on l'appelle Lise, hein? Appelle-moi Lise. Ah oui, on va vous appeler Lise, Madame Lise. Madame Lise Payette. Quelqu'un qui a été important pour le Québec, c'est Madame Lise Payette. Il y en a plein comme ça. Denise Bombardier, très important pour le Québec. Clémence Desrochers, très important. C'est pour ça qu'ils sont amis dans la vraie vie, là. Dans la fausse vie, ils sont pas, mais dans la vraie vie, là. Non, pas Lise Payette puis Clémence. Clémence puis Denise Bombardier. Hey, ça s'amuse, ça fait des repas. Oh, olé, olé, olé, ça débouche. Puis quand Clémence est en pleine forme, là, elle fait son petit bonnet. La connaissez-vous l'histoire du petit bonnet? Bon, vous savez, des serviettes de table, là, elle le plie pour faire un petit bonnet sur la tête, puis elle se place ça sur les seins comme pour faire un soutien-gorge. Ça rit, là. Mais il faut en avoir pris un petit peu, là, un petit peu dans le nez. Puis, oh, c'est drôle. Clément, ça commence à faire ses blagues, là. Il peut grêler, neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Clément sort tous les samedis soirs avec sa gang de chums de filles. Mike. T'as-tu quelque chose contre ça, toi, mon Robert? Je t'ai émancipé, moi. Je prends du 32B. Pis si j'en mets du C, là, parce qu'il y a quelques fruits à l'intérieur. Des fruits défendus. Que toi, tu peux pas révéler la teneur de ces beaux végétaux. Végétaux, végétaux. Des fruits, c'est des végétaux. Ben, c'est vrai, ça. Quoique ma petite copine là, peut ouvrir le tout. Le tout, le tout. Il trouve le toutou. Il trouve le toutou. Quel toutou? Ben, le toutou. Arrête donc, toi. Arrête de me mêler de même, là. Il peut grêler, mais il neige et pleuvoir. Tomber des bombes sur la ville. Rita vient tous les samedis soirs avec sa gang de chums de filles. Le coton. Tu connais le coton? Ah, non, il va le faire. Il va le faire encore. Oh, oui, le coton. Flotte en boule blanche. Il vient de se coller aux cheveux. Dans un temps humide et frileux, une forte odeur d'huilante. Fidèle aux jours qui vont dépasser, comme hier, au jour du repasse, de l'usine à la messe basse, la grande maigre et la courte grasse. Elles sont habillées de noir de la boîte à lunch au chapeau. Leurs pas de leur trop long manteau remuent le sable des trottoirs. Elles s'en vont, elles reviennent. Deux ombres noires sur fond gris me font image de leur vie. Que dirait-elle de la mienne? Je suis venu au monde seul, comme tout le monde. C'est celle que je continue ma vie. À Dieu le Père, je pourrais répondre. Ça n'est jamais moi qui a fait le bruit. Et pour vous imaginer mon allure, pensez à octobre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'ange, je suis entré à Fatrick Coton. Si les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton. Partant de la cuisse. On part de la jambe, autant. Oh, je me souvenais plus, là. J'avais un blanc. Quand il y a des blancs, c'est pas juste la neige, là. C'est des trous, des blancs. On sait plus, hein. C'est des. Des blous de mémoire, moi c'est des black mémoires. Des mémoires qui s'effacent à volonté. Choisis même pas. J'ai jamais voulu savoir si une peut chevaucher l'autre, puis pourquoi celle-là veut plus rentrer dans elle. C'est des tiroirs, hein? Ouais, c'est comme l'armoire à 1000 tiroirs de Jacques Brel. La connaissez-vous, madame? L'armoire à mes tiroirs, c'est toujours plus gossant, c'est toujours plus gossant que le mercredi. Ah, mon Dieu, donnez-moi les trois tiroirs, c'est amplement, pas mes 1000 tiroirs, là. J'ai déjà moi-même, là. Moi-même, là, ici en personne, quoique en diffusé. Je suis non, pas en fusée, madame. Non, parce qu'on a voulu m'amener sur la Lune. Avec Georges Méliès. Moi, pas un fou, moi. J'ai l'air. Regardez-moi, madame. Est-ce que j'ai l'air d'un fou? Oui, bon, bravo, madame. Ouais. Moi, non, il n'y a rien à gagner, là. Non, c'était juste pour rigoler. C'est une émission d'humour. On n'a pas encore, je sais, mais là, tranquillement, là, et petit à petit, l'oiseau fait sa frénésie. C'est pas important, madame, si c'est pas ça, là. On veut rien savoir de la vérité, nous. On la crée et on la recrée. On la met au monde. On la débaptise, on la rebaptise, on fait ce qu'on veut, puis tout ce qu'on peut, on veut pas l'aware. Parce que l'aware, c'est déjà un conformisme, mais on est anti-conformiste ici. Parce que si vous regardez la petite carte des rances rénaldiennes, l'avez-vous la petite carte, madame? La carte, on n'a pas de carte. C'est quoi? Une émission pamphlétaire, budgétaire, économétaire, presbytère. Le presbytère a mal. Il n'y en a plus de presbytère, il n'y a plus d'église. Normalement, là, ça devrait être collé sur l'église, le presbytère. Tu reviens de la messe, tu dis, il faut que j'aille passer ma guignolée. Non, c'est payé ma dîne dans le pin de. Non, mais faut que j'aille payer. Mon cierge Mascal? Mon doux, on le réveille. Appelle-moi Mascal. C'est le 88, OK? Mets de l'écho, OK? On va en enlever un peu de l'écho comme ça, OK? Oh non, ça donne mal à la tête, ça. OK, on y va. Mascal? Non. On travaille pas, Mascal? Oui. Est-ce que c'est pas grave, hein? Oui. Tu te dois réveiller demain matin, là? On est déjà demain matin. Ah oui, oui. Il est minuit 23, c'est le lendemain, là. Ah, oh, c'est vendredi. Oui. Hey, j'aimerais passer pour payer ma mime. Ma mime Marceau. On a parlé la semaine dernière de mime Marceau. Comment il va? Il est encore décédé? Bon, ça va bien là-haut? Bon. Il fait encore des blagues avec Guy Bedos? Non, pas Guy Bedos, c'est Raymond DeVos. Guy Bedos, c'est pas encore mort, hein? Non, j'espère que non. Priez pour lui. S'il vous plaît, une concentration d'énergie pour Guy Bedos. Raymond DeVos. Non, ben, c'est Raymond qui est mort. Guy Bedos, c'est pas mort encore. Il sera pas. C'est un vitam purpleman, ce gars-là. C'est une lueur d'espoir pour l'humanité. Si Jésus l'oublier. J'espère qu'il va l'oublier le plus longtemps possible parce que s'il nous le ramène, il nous l'enlève, on va pleurer parce que c'est lui le con. Il nous ramène des idéaux, lui. Même s'il y a des enfants qui versent dans l'humour, surtout son fils. Sa fille est dans la chansonnette, dans la belle chanson rigolote, et puis à la TV, elle écrit, c'est une romancière intellectuelle, on l'a reçue, nous. Bon. Et puis, vous, ça va, monsieur? Bon. On vient payer notre dîne. On peut-tu dîner en même temps? Oui. Pouvez-vous mettre des petits potés au four? Je vous conseille 350, 15 minutes. On va arriver dans une demi-heure parce qu'il faut laisser refroidir 15 minutes encore. Vous me suivez, monsieur? Bon. Vous avez l'air faible. Oui, bon. Prenez un verre d'eau, pas de glace. Nous, on va prendre du champagne. Y a-t-il des moyens pour le champagne? Si on vous donne 2$ pour la dîne, on n'est pas dans le trou, non? T'as-tu coupé? Il est tombé par terre, lui. On a du champagne. Je pense que Jacques Higelin va venir. Non, monsieur, Jacques Higelin ne viendra pas. C'est une blague, là. Oui, oui. Non, non, c'est du vrai champagne, là. On ouvre et... C'est le champagne, là, qu'on veut dire. Il y en a du frais? Bon. Rendormez-vous. Bon. OK. Rendormez-vous pas, là, hein? On arrive. Là, il y a Gaétan. Non, c'est Rita Biblo qui va venir. Gaétan est en arrière. OK. Pas prête. Hein. Son maquillage, je vois pas quoi. Oh, mon Dieu, regarde-moi ça coulé, hein? Ah, t'as l'air d'un clown. Ah, mon Dieu. Pourquoi tu te maquilles? T'es belle au naturel. On t'aime de même. Ouais, le cheveu. Ben, puis, le cheveu est gras, c'est un cheveu heureux, madame. C'est comme des patates frites. Des patates frites, quand c'est pas gras, c'est pas bon. Le gras, c'est le goût. Un bon steak gras, c'est un steak qui goûte. Qui goûte le goûte. De tout, de tous. Avant d'un tournoi et demi meublé, rappelez Mme Bélanger au 88-88-88-88. Un tournoi et demi passablement amêché. Son mari l'a tiré à bout portant. Je peux dire, il a tiré sur son 3,5. Donc, fantôme à l'horizon. Spiritis, Sanctus et Dominus. Si vous croyez à tout cela, ben, louez-le, puis vous ferez des émissions ésopétiques, pathétiques, très pathétiques, à des émissions très pathétiques. Alors, ben, appelez le 418-418-418. Avoir absolument le dentier du frère André à vendre ou à louer. Appelez-nous 418-418-418. Non, mais c'est complexe, ça. Cellulaire à cordes à louer. Du jamais vu. 418-418-418. Cheveux appartenus à Reynald Gagné. Très, très fin. Très, très... Mais fou, mais fin. Très fou, mais très fin. Ah, c'est fin. Tu le regardes, là, puis il fait « Bonjour! » C'est merveilleux. « Bonjour, bonjour! » T'es le cheveu de Reynald, mais « Bonjour! » Ah, mon... Un grand cheveu lisse, là. Ah! pas épais, là. Le gars, il était, mais le cheveu est lisse. C'est vrai, appelez 418-418-418. À quoi bon faire cette émission si on ne saura pas? On a oublié de prendre le numéro de téléphone. C'est 418-418-418-418. À quoi bon faire cette émission? Capitikiti! Calmement. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'errance rénalienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le vendredi 11, et voyons donc, l'ans-onzoir est dans la 11. Va-t-il pas nonce, tous les deux dans la mer. La mer qu'on va lancer le long d'un golfe clair à des reflets d'argent. La mer, en parlant d'argent, donnez-nous de l'argent, on a besoin. Avant de la vie, le radio-ton s'est très bien passé. De la vie, on veut remercier encore, hein. Voyez, c'est l'océan et c'est gourde mouillée. Oui, la mer, oh, la mer. On arrête là. Aujourd'hui, le vendredi 11 avril 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour de la dramaturge Stéphanie Hockey. Stéphanie Hockey est une écrivaine, essayiste et journaliste culturelle français, née à Paris le 20 mars 1975. Après une maîtrise sur le théâtre élisabétain, elle a enseigné en Grande-Bretagne. Elle a tenu une chronique au magazine des Livres 1 et sur BSC News, un journal culturel Internet, puis a collaboré au magazine Muse ainsi qu'à Libération. Elle est critique littéraire pour le Jeudi du Luxembourg. Ses romans explorent les dérèglements humains, c'est pour ça qu'elle m'a rencontré avec beaucoup de facilité, s'aventure parfois du côté du fantastique. Après un premier roman mordant sur le courrier féminin aux écrivains Moutarde Douce, édition Robert Laffont, et trois romans chez Stock, elle publie chez Fayard, « Je ne connais pas ma force » en 2007. Récit des dérives idéologiques d'un adolescent atteint d'une tumeur et combat de l'amour et du fin et de la faim. Un peu. D'une tumeur et combat de l'amour et la faim, F-A-I-M, en 2009, prix Lila. Une traversée des États-Unis au début du 20e siècle aux côtés d'un aventurier de l'amour sans foi ni loi. Un peu comme mon amie Agnès Varda qui a fait jouer Sandrine Bonner dans un film qui s'appelle Sans toi ni loi, un film exceptionnel. Elle reçoit ensuite le prix Tide Monnier pour la distribution des Lumières sur Flammarion, les éditions Flammarion en 2010, un roman sur les tentations dangereuses de l'adolescence entre cruauté et candeur. Après les éphémérites au rivage en 2012, récit pré-apocalyptique, ensorcelant et énigmatique, elle questionne avec Sang d'encre les Buscats en 2013. Les Buscats, excuse-moi, en 2013. Les fascinations d'un homme pour le tatouage. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette femme incroyable. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale? Oui, la preuve. Quoi qu'on cherche à te plaire, je me disais, je la diffère. Je sortais comme un collégien, amoureux de sa prof de dessin. Beige, de jolie chatte émancipée. En fait, c'était toi l'enfant sage. Et moi, le marlou qui couvait. Je veux ma misère. Je veux ma misère. Je veux ma misère. Je veux ma misère. Avec toi. Wouah, wouah. destin. Personne ne te tenait compagnie. La chance m'a fait passer dans le coin. Tu m'as fait signe, on s'est assis. Je veux m'amuser. Je veux m'amuser. Je veux m'amuser. Je veux m'amuser avec toi. De rocking chair, t'es déjà moins terre à terre. Et tu m'as dit, vas-y mon loup, ce soir tu peux tenter le coup. Je n'insisterai pas si tu me dis casse-toi. Mais si tu dis ok, le jeu peut commencer. Je n'attends rien de toi, tu n'attends rien de moi. Il est juste question de bonnes sensations. Je veux m'amuser, je veux m'amuser, je veux m'amuser, je veux m'amuser. On appelle ça de l'ambiance radiophonique. Ah, c'est ça. Les auditeurs adorent. C'est ça, je vais finir par prendre l'accent, moi. Ouais, mais c'est bien, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, ouais, donc l'accent québécois, c'est assez irrésistible. Oui, écoute, au 16e siècle, vous aviez le même accent. Vous l'avez paraît-il. Perdu. Paraît-il. Oui, vous l'avez perdu. Ah ouais? Mais nous, c'est l'a... sûr, ça? Oui, oui, c'est certain. Ah ouais? Historiquement, certain. C'est ce que disent un peu, j'ai l'impression, même les Américains, quand ils parlent de la phonétique anglaise, ils disent que les Américains ont l'accent, en fait, l'accent anglais d'origine. Oui. Mais ben, qu'est-ce que c'est KRL? Ouais. C'est la première radio communautaire ou associative libre francophone au monde. Donc, les Suisses, les Belges, les Français sont venus voir à Québec, à CKRL, comment on faisait notre radio, pour okay. ensuite la proposer ici. Ouais. D'accord. Avec la même, les mêmes machines, la même structure. D'accord. Et puis après, ben, il s'éclatait. Il y a d'accord. eu le Carbone 14, la fesse est née là, les Super Nanas sont nés là. Je sais pas si tu connais un peu la radio, si tu aimes la radio. Ah oui, j'aime bien la radio, ouais, okay. c'est sûr. Bon, c'est certain que c'est un créneau underground. Ouais, d'accord. C'est un créneau. Ah ouais. J'ai déjà fait des radios associatives, des choses comme ça. Ah ben voilà. Ouais. Alors, vous avez pris ouais. l'exemple ouais. de CKRL sans le savoir. C'est ça, ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comme la langue française, les pionniers. On a l'accent. Ah, ouais, c'est ça, donc, c'est ça. C'est l'origine. Vous êtes les puristes, en fait. Oui, ben pas vraiment. Ouais. Toi, Stéphanie, tu es romancière, mais avant tout, tu as une formation en théâtre. De littérature plutôt, c'est-à-dire que j'ai, je suis angliciste, j'ai fait des études d'anglais, je me suis spécialisée en littérature, je me suis spécialisée en littérature anglaise et en particulier j'ai travaillé sur le théâtre élisabétain, oui. donc Shakespeare et toute cette période, okay. donc d'Élisabeth à la période juste un peu après, donc celle de Jacques. Et donc voilà, ça, on parle de Shakespeare, Ben Jonson, voilà, mais John Ford. Mais tu es née à quel endroit en France? Ah, moi je suis parisienne tout bêtement. Ah, j'ai mais c'est merveilleux. Alors, mais j'ai vécu en banlieue, quoi. Mais je, ouais, enfin, ma mère a accouché dans un hôpital parisien. J'ai vécu jusqu'à l'adolescence dans une ville qui s'appelle Antony, qui est surtout célèbre pour son aéroport oui, oui, à côté. Oui, oui, et puis après, voilà, après vers 18-20 ans, j'ai voulu quitter cette ville où je m'ennuyais profondément parce que la banlieue a quelque chose de mortifère. Mais ça peut activer la création aussi. Ouais, je sais pas, ça active la déprime et l'ennui, je trouve. Donc bon, peut-être que finalement, je me suis jetée sur les livres à cause de ça, peut-être. C'est possible, c'est possible. C'est l'ambiance familiale y a fait aussi okay. un petit peu quoi. Ambiance lourde donc. Ouais, ambiance lourde et donc un besoin de à la fois de s'évader et de s'élever. C'est ce mélange-là qui a fait que j'ai beaucoup lu. Ok, parce que tes parents n'avaient pas vraiment une formation académique. C'est-à-dire que pas tellement. Ma mère est assez littéraire, mais en même temps, elle a travaillé très très tôt dans sa vie. Bon, elle est infirmière, ce qui est déjà, c'est déjà quelque chose, ouais. Mais elle venait d'une famille de la petite bourgeoisie, mais sa mère avait été snobée par toute sa famille parce qu'elle avait divorcé. Bon, enfin, ça, c'est des histoires familiales un petit peu compliquées, mais ce qui fait que ma mère a vécu dans une espèce d'isolement. Mais sa mère était très lettrée, malgré tout, quoi. Mais ma mère a dû travailler très, très tôt. Oui. Bonjour, je vais prendre un demi, ouais, tout simplement. Et donc voilà, mais elle vient, c'est vrai, d'une famille où on lit pas mal et où j'ai souvent vu des livres. Donc j'ai toujours vu ma grand-mère lire, ma grand-mère qui ne dormait quasiment jamais, la mère de ma mère. Moi aussi. C'est vrai ? Ouais. Mais moi je suis travailleur de nuit, donc c'est ça. C'est sans doute ça. C'est ça. Non, mais c'est impressionnant. Hein. Ouais. Les gens qui passent leur nuit à lire comme ça et qui dorment presque pas. Alors elle s'est fait une culture à travers les livres ? Oui, il y avait beaucoup de respect et beaucoup de sensibilité surtout, quoi. Autour du livre. Donc, c'est-à-dire qu'une grande, acuité. Voilà, c'est des gens qui sont sensibles à la langue. Ouais. Et alors du côté de mon père, pas du tout. voilà, c'est mon père est quelqu'un de très politisé, de très peu littéraire. Donc c'est quelqu'un qui lit uniquement des livres donc politisé à l'extrême gauche, syndicaliste, etc. Très typiquement français, quoi. François Bégaudeau qui a écrit un livre qui s'appelle De singe ou ma vie politique, où il parle de ça. Il parle de ce plaisir qu'ont les Français à ouvrir leur gueule un peu, quoi, quand il s'agit de politique et à faire en sorte que que la politique devienne une espèce de sport familial. Voilà. Donc moi, j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et puis, l'ambiance était surtout rendue étouffante par la famille de mon père, qui venait, merci beaucoup, qui venait régulièrement nous voir. Et puis, c'était des gens que j'avais beaucoup de mal à supporter. Et puis, voilà. Donc, j'ai beaucoup lu, peut-être pour les éviter, pour fuir. Pour te retirer. Ouais, pour me retirer. Pour me... Donc, ouais. Tu t'es créé un monde. Exactement, assez jeune. Ouais. J'avais vraiment ce besoin. J'avais besoin que ça passe par les mots. Sans doute parce que j'ai eu du mal à m'exprimer. J'ai eu du mal à trouver ma place, avec la parole. J'ai eu du mal à... À l'oralité, là, tu ouais. veux dire... Ouais, je crois que j'avais un problème de ce côté-là, parce que en fait, on ne me laissait pas tellement la place, parce que ma famille paternelle prenait toute la place. Voilà. Donc, j'avais besoin que, en fait, le verbe passe par l'écrit. Donc, voilà, je me suis sans doute réfugiée, et puis j'ai senti que ça me hissait. J'ai senti que ça m'apportait quelque chose et que j'allais m'en sortir comme ça. Ça t'a amené ailleurs, donc, ouais. À travers cet ailleurs-là. Ça m'a, comme on parle de élever, les parents élèvent, mais élever ça a deux sens, hein. C'est élever un enfant et puis élever, tirer vers le haut. Donc j'avais l'impression que ça me tirait vers le haut. Alors à l'époque je disais Cocteau, Voltaire, je disais un petit peu les Français qui ont marqué notre histoire, hein. Ouais. Classique, mais en même temps Cocteau ça reste quelque chose de très contemporain, très poétique et... Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait publié comme un texte totalement contemporain, hein, Cocteau. C'est sans doute celui qui m'a donné le plus envie d'écrire, lui. Parce qu'il y a une fausse simplicité. Il y a une simplicité délicate. Ouais. Mais toi, tu, à travers tes écrits, tu prônes aussi un peu le côté polémique des idées. Ouais, c'est-à-dire que je vais chercher du côté des marges, je vais chercher du côté des... Gratte, ouais, du tabou, de la transgression. Pour faire réagir. Mais non, pas pour... Je me fiche un petit peu de ouais, c'est pas ça, c'est que je sens que c'est là que je dois aller, parce que c'est là que je dois chercher chez moi. C'est là que je dois gratter, quoi. C'est là que je dois... Il y a quelque chose qui fait que je... Enfin, ça pose question de ce côté. Ça interroge. Donc je vais chercher là. Parce qu'il me semble que c'est là que je vais trouver quelque chose sur moi. Et que c'est là qu'il y a peut-être des... Je ne sais pas s'il y a des réponses, mais il y a un besoin de chercher. Donc l'écriture, ça se fait quand on est seul. Et je ne pense pas un seul instant à l'effet provocateur ou je ne sais trop... que ça va avoir chez l'autre, mais je cherche avant tout à poser les bonnes questions et puis et à trouver ma langue. Les amis m'ont dit ce coup-ci sois gentil, fais comme si tout ça si ne te concernait pas. Il y a des sujets qu'il vaut mieux des sujets dont il faut pas parler. Ok, j'entends seulement Je sais pas faire autrement. Sur deux semelles de gomme, il tire un jean étroit du bas. Dans un blouson rouge pomme, deux contrebasses au bout des bras. Il shoote dans tes boîtes de bémol, il se fout du style, il n'a pas bien suivi l'école. Mais il plane comme un jumbo entre les murs du son. C'est comme un labyrinthe autour de sa maison. On le trouve un peu bizarre, mais Symphoman est né d'un rêve oublié là. Qui pétille à mon oreille, tout comme les bulles d'un verre de Mozart soda. Au Jean-Sébastien Snack, on le rencontre quelquefois. Il dîne d'un piano chips et d'un sorbet d'habanera. Il roule en bebop loula, il se fout du style, il n'est pas très loué pour ça. Mais il plane comme un jumbo entre les murs du son. C'est comme un labyrinthe autour de sa maison. On le trouve un peu bizarre, mais Symphoman est né d'un rêve, oubliez-la. Qui pétille à mon oreille, tout comme les bulles d'un verre de Mozart soda. On le trouve un peu bizarre, mais Symphoman est né d'un rêve, oubliez-la. Qui pétille à mon oreille, tout comme les bulles d'un verre de Mozart soda. Maman est folle, on n'y peut rien, mais je veux pas qu'on la vole ou qu'on l'emmène au loin. Thank you. fallait savoir mettre des gants pour être utile à quelque chose dans cette famille où tous les gens voulaient toujours tout mettre en cause. Moi j'étais alors un type qui joue pas mal au basketball, qui joue pas mal de rock'n'roll. Et quand t'étais là, je ne savais rien dire. Ils parlaient tous aussi fort. Tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire. Quelqu'un qui tient ton regard aussi fort. Fallait savoir passer devant ses frères qui jugent et s'interposent pour s'approcher un peu des gens, parce qu'on les aime plus qu'on suppose. Moi j'étais encore un type qui joue pas mal au basketball, qui joue pas mal de rock'n'roll. Et quand t'étais là, je ne savais rien dire. Ils parlaient tous aussi fort. Tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire. Quelqu'un qui tient ton regard aussi fort. Mes frères sont loin et font des névroses. Maman joue un peu moins souvent sur le piano en vieux bois de rose. Moi je vais dehors, je joue encore un peu au basketball. J'écoute encore du rock'n'roll. Et quand t'étais là, je ne savais rien dire. Ils parlaient tous aussi fort. Tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire. Quelqu'un qui tient ton regard aussi fort. Ça voulait dire quelqu'un qui tient ton regard aussi fort. The time of the newly born dead, where the whisper cobwebs in your head, the pole, the moon looked out instead, going wild. Lick shifting through the brain. The manic depressive goes insane, going wild, going wild. Desperate anger hits the streets by the foul smelling river, by the main market, going wild. Mystic child, going wild. Mystic child. In the window with the frozen toes, looking out the big windows to fly, going wild. Situation acts out of control, eyes half open like a mole. Who smiles? Going wild. Who smiles? Going wild. In the mystic morning where the river meets the hurdy-gurdy of the hip-hop beat, by the end of vicious street, all wild, all wild. At the window like a flash, falling through a rooftop crash, blind. Sick and misty like a pup by the curb, he's going up wild, like a child, going wild, like a child. He can't have all the relays to testify that he is great. He'll cut someone with a broken plate, stand upon the subway grate and smile, going wild, going wild, with a smile. Morning, sun is up and someone hears buses cops. The dawn is dead, it all cut up. Going wild, like a mystic child. Like a mystic child. Sunday morning looking down from the rooftop. Going wild with a smile, mystic child. Top of the world he's gotta make. His rings are gold, his reins are jade. Jump to the street he's gotta make. Goodbye child, goodbye child. Mystic child, going wild, like a mystic child. Quelque chose à l'intérieur, un remuement qui risque de faire de titiller les lecteurs. Je pense que en fait, si ça procure si ça procure quelque chose chez moi, c'est que ça peut procurer quelque chose chez l'autre. Okay. Ça, c'est certain. Okay. Donc, effectivement, si j'éprouve une espèce d'émulation, d'excitation, d'exaltation. Ça, c'est que sans c'est doute que c'est... Hein? Ouais. Ça peut nous ah ouais, dans ouais. Je crois qu'il y a rien ça de plus fort. Troubler, ça nous... Ouais. Je pense que ça trouble beaucoup plus que l'image. Ah oui, oui, oui. Ça touche le cœur de quelqu'un directement, quoi. Donc, et puis, on peut blesser, puis on peut ravir. On peut intéresser, on peut amener les gens plus loin. Ouais. Il y a quelque chose de magique, quoi. J'avais envie de traiter ça quand j'ai parlé du tatouage, parce que dans mon dernier livre qui s'appelle Sang d'encre, je parle de quelqu'un qui se fait tatouer une phrase sur le corps, et cette phrase change sa vie. Donc, comment on passe de l'écrit à l'implication du corps et ensuite à la vie qui est bouleversée, etc. En même temps, en écrivant ça, tu te places dans une position. Donc, tu revendiques un peu ton idéologie face au tatouage, face au fait d'écrire sur soi, un peu comme Memento, le film Memento. Ouais, c'est ça. Qui n'a plus de mémoire. Ouais, donc, exactement. Et... c'est marrant parce que je l'ai vu, Memento. Et je l'ai vu récemment. Je l'ai vu après l'avoir écrit Sang d'encre parce que celui-ci je l'avais pas vu. Enfin, j'avais déjà vu c'est quand même assez. Ouais, oui, c'est 94. Oui, c'est un film qui date, mais. Qui date parce que le cinéma attend. Oui, c'est ça, mais. En fait, on m'a parlé. Ouais, non. Mais on m'en a parlé après coup. Enfin, on m'en a parlé après Sang d'encre. Et du coup, je l'ai vu. Effectivement, ça me parle parce que, bon, effectivement, il y a le rapport à l'écrit, à la phrase sur le corps, mais en plus, le rapport à la mémoire. Et il se trouve que j'ai très peu de mémoire. Mais ça, j'ai découvert depuis que Roland Barthes avait très peu de mémoire. Donc voilà, j'ai moins de complexes. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec ça, ce qui fait que. Roland Barthes n'avait pas de mémoire. Oui, okay. Très peu, il le reconnaît. Okay. Et moi, j'en ai relativement peu aussi. Enfin, Est-ce que c'est bon aussi pour écrire? Parce qu'avoir de la mémoire, c'est aussi radoter, réécrire ce que l'on est déjà en s'en souvenant. Ouais, c'est pour ça que je préfère ne pas en avoir, en fait. Je me renouvelle. Oui, on écrit dessus éventuellement au fléau qui est l'Alzheimer. Non, mais bon, j'en suis pas là, je pense. Mais il y a une très belle phrase, je crois que c'est Julien Green qui dit « L'oubli est une grâce ». Il y a aussi le fait que... c'est pas maladif. Ouais, c'est pas maladif, c'est juste se faire du bien d'oublier aussi. Oui, mais quand c'est pas dans un sillon malheureusement médical... Là, on parle d'autre chose. Okay. Ça, c'est, okay. Heureusement, c'est... on suit pas là. OK, c'est au niveau de la création. Ouais. Okay. Ouais. Oublier pour réécrire. Oui, mais j'oublie par exemple les prénoms des gens. Ben, en tout cas, t'as pas oublié notre rencontre. Non, allez le rendez-vous, mais je suis quelqu'un de très fiable. Donc, okay. J'arrive toujours au rendez-vous. Alors, t'es cartésienne dans l'horaire, mais à travers les mots, qui est quand même quelque chose de fluide, tu peux oublier. C'est-à-dire, les mots, je les oublie pas trop, mais je peux oublier, par exemple, ce que j'ai fait la semaine dernière. Je me souviens plus très bien. C'est important, c'est-à-dire que ton disque dur arrive à oublier des choses qui ne sont pas importantes. Ouais, voilà, ou que je considère peu importantes. Ouais, quand les gens sont vexés, quand je ne me souviens pas de leur prénom. Ok. Moi, je sais, j'ai retenu. Pour l'instant, ça va. Ça va. Pour l'instant, tout va bien. Dans 5 minutes, je vais te demander. Il faut dire que la bière peut aider aussi. Ouais. Est-ce que le fait de voir un film qui traitait de ta littérature, de ton dernier livre, t'as encore amené à réfléchir là-dessus et même, pourquoi pas, à réécrire sur le même sujet? Je vais pas réécrire sur le même sujet. Par contre, j'ai été interviewée pour le magazine. Mais justement, je vais écrire une nouvelle pour le magazine Muse qui sort tous les 3 mois. Sur Internet, on peut l'avoir accès. Muse, c'est pas sur Internet? Muse, M-U-Z-E. Oui, M-U-Z-E. C'est un gros magazine maintenant qui ressemble un peu à un livre. Et en fait, c'est un magazine qui traite surtout de sujets et littéraires et sociétaux. Et en fait, le gros sujet qu'ils vont traiter dans quelques mois, ça va être un dossier sur la peau. Et j'ai été interviewée donc, pour ce sujet et je vais sans doute écrire une nouvelle. Donc voilà, parce qu'il leur manque un texte littéraire et ils m'ont proposé, je leur ai dit d'accord, je vais écrire une nouvelle. Donc je vais à nouveau réitérer, je vais écrire une nouvelle sur la peau, mais ce ne sera pas évidemment... Non, alors après avoir vu le film, avoir réfléchi sur le... J'ai une petite idée, voilà, je vais partir quelque part, mais voilà. Bon, j'en parle pas encore, parce que... Non, surtout pas... C'est un embryonnaire, donc... Voilà, exactement, c'est très fragile les débuts, tout ça. Oui. Est-ce que dans la création, toi, c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a une idée, mais en fait, rapidement, à partir du moment où on a commencé l'écriture, l'écriture développe l'idée, quoi. L'écriture emmène quelque part sur une autre idée. Enfin, c'est en écrivant qu'on écrit. Hein. Je l'ai constaté maintes fois, quoi. C'est-à-dire, il faut s'y mettre. C'est-à-dire que je pars avec une idée en tête, je sais à peu près où je vais, mais c'est en l'écrivant que je découvre vraiment ce que ça devient. C'est assez étrange. Et à travers l'écriture, est-ce que ça t'amène également à te comprendre toi-même, à voir peut-être un petit jardin secret que tu ne connaissais pas et qui se révèle tranquillement à travers les mots? Oui, il y a peut-être une partie de ça. Peut-être que ça permet de... Comme disait Freud, quelque chose d'inconscient qui... Ouais. Ça, sans doute que je... Ça le rend plus... Comment dire, plus dessiné, plus voilà, ça lui donne une forme qu'il n'a pas parce qu'il est latent. Voilà, ce que je suis est latent. Donc sans doute que je lui donne une forme et que je reprécise tout ça, je reprécise mes sensations, ce que je pense, mes idées. Et ensuite, ça permet de le donner à lire et ça permet de le donner à voir aux autres. Ce qui est très important, c'est la transmission quand même, parce que. Ok, alors en écrivant, tu as aussi une vision du lecteur. C'est-à-dire que j'écris quand même pour quelqu'un, je ne peux pas dire pour qui, parce que je ne sais pas bien qui, mais en fait, j'écris pour quelqu'un de... J'écris pour un lecteur idéal. Qui est une personne sensible, que je ne connais pas. Mais voilà, bon, pour moi, le lecteur idéal est une personne sensible. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir tes... Ouais, qui est prêt à recevoir... sensible à ce que j'ai voulu apporter, quoi. Qui va le voir, qui va le sentir. Et par la suite, peut-être transcender, aller plus loin. Oui, après, c'est à lui de le saisir et d'en faire ce qu'il veut. Hein. C'est de l'interpréter. Ça, c'est très intéressant, c'est les interprétations, après. Oui, parce que dans y a des lectures. Est-ce que tu essaies de susciter des clés pour ouvrir d'autres passages qui n'est pas révélé? Alors, je suis très dans la litote, donc de toute façon, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire ou que je ne vais pas donner toutes les clés, donc ça c'est certain. Et c'est volontaire. Oui, ouais, bien sûr que c'est volontaire. Que le lecteur soit ouais. Actif. Oui, et puis parce que je pense qu'il y a un sens du mystère qui est important. Ouais, donc, comme le cinéma de Benex qui laisse le cinéphile aller plus loin là-dedans. Ouais, c'est une des clés du cinéma que j'aime bien. Ça, c'est pas lui forcément, mais c'est enfin en tout cas. Carax. Ouais, ouais, ouais. Mais Holly Motor, c'est incroyable. Ouais. Je l'ai pas vu celui-là. Okay. Mais le fait de filmer quelqu'un qui regarderait par le trou d'une serrure et pas montrer ce qu'on voit par la serrure. De l'autre côté. Ouais, c'est ça. On capte. Ouais, c'est ça. Et de pas montrer ce qu'il y a derrière, mais de montrer l'expression du type. Godfrey is a perfect choice. one minute down. Next time rejoice, he seems to have found the perfect voice. Paranoia key of me. Let's say everything he says is true. You love me, but I cheat on you. And in my bedroom is a female zoo. Worse than Clinton in prime time. I swear to you, I'm not with Jill or Joyce, or Sid or Sherry or Darlene or worse. I'm not kissing you while inside I curse. Paranoia key of E. Let's play a game next time we meet. I'll be the hands and you'll be the feet. And together we will keep the beat. The paranoia key of E. Now, you know, mania's in the key of B. Psychosis in the key of C. Let's hope that we're not meant to be. Dyslexia, kleptomania, and vertigo. Patricide A, matricide D, the same schizos. Paranoia key of E. Let's have a coda in a key of K. Something that only we can play. Maybe we'll light up like 100K. Paranoia out of key. Paranoia key of E. Dyslexia, kleptomania, patch light A, match side D, vertigo, schizos. Tort que d'un œil, l'autre reste toujours ouvert. Pistolet, tu ne tort que d'un œil, suis d'un côté et d'envers. Oh, oh, oh, oh. Pistolet, tu oh, oh, oh, oh, oh. Pistolet, tu m'a tapé dans l'œil, mais un jour il m'a trompé. Pistolet, tu ne l'as pas volé, la balle qui t'a épargné. Ah, ah, ah. Pistolet, tiens. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pistolet, tiens. Irrésistible avec son grand œil crevé. Oh, oh, oh. Pistolet du roi. Oh, oh, oh, oh, oh. Pistolet du roi. intéressant. Pour revenir au tatouage, ouais. Qu'est-ce qui t'a titillé pour que tu, un jour, que tu puisses prendre un crayon et un papier et rédiger quelque chose? Mais j'y avais beaucoup pensé. Et... tatoué toi-même? Non, non, c'est vrai, tout le monde me pose la question, mais en réalité, mais c'est une longue... Non, mais t'as raison, mais c'est une longue réflexion... qui a fait que j'ai été amenée à écrire ce livre. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup pensé au tatouage, que j'étais très tentée à une époque. Et que je... que tu voulais te faire oui, mais ça a varié et ça change. En fait, le problème, c'est heureusement que je ne me suis pas tatouée parce que ça changerait sans arrêt. J'aurais des envies sans arrêt différentes. Quoi. Mais ça peut alors, s'enlever aujourd'hui. Hein. Ouais, ça peut s'enlever, mais bon, pour moi, l'idée de la trace reste. Ouais. Oh oui. La trace ouais. reste. Donc, ouais. ce qui est intéressant. Plus, ouais. c'est dans le voilà, c'est ça. Et puis, ça se voit quand même parce qu'il y a toujours une cicatrice. Donc, en fait, ontologiquement, la trace est restée. Donc, on est plus vierge. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est derrière le tatouage. En fait, tout ce qui m'intéressait, c'était le thème de la trace, le thème de ce qu'on laisse sur soi. Le thème de ce qu'on conserve et aussi qu'est-ce qui une fois que c'est sur le corps, comment est-ce qu'une fois que quelque chose est sur le corps, comment est-ce que ça altère la personnalité, comment est-ce que ça nous change. Moi, je suis assez obsédée par les maladies ou, voilà, je suis très très angoissée à chaque fois que je chope quelque chose ou que je suis un petit peu hypochondriaque ou nosophobe, voilà, c'est entre les deux. Et... tu ne vas pas sur internet pour te créer une maladie pour éventuellement mais je comprends Woody Allen quand il a ses angoisses, je peux très bien le comprendre. Il en a fait sa carrière, c'est ah, oui. Moi, c'est Woody ça, Allen, c'est ça. On est rendu à dire qu'un film de Woody Allen, c'est quand même excellent, même si c'est pas très bon. Ouais. Mais si tu révèles ça au niveau cinématographique, ça reste excellent. Ouais. Même si Woody Allen est ordinaire, ça reste un film très bon dans l'univers du cinéma. Il est ordinaire comme on aimerait rencontrer des gens ordinaires. Hein. C'est, ouais, mais c'est, pas, c'est... pas, ça, on voudrait pas vivre avec lui, mais... ouais. Il nous divertit beaucoup. Tu te sens un peu wallonienne dans cette... En tout cas, dans cette névrose, oui, je peux très bien comprendre. Et je pense vraiment que quelque chose qui, une fois que votre corps porte des stigmates de quelque chose, ça devient quelque chose d'important pour soi. Donc ça peut changer, ça peut nous changer, ça peut nous faire prendre telle ou telle direction dans la vie. Je sais pas, je suis allée de ce côté quoi. Je me suis dit, est-ce que si je me tatouais telle ou telle phrase, est-ce que finalement cette phrase, elle allait pas devenir trop importante? Est-ce qu'elle gouverner ta vie? Voilà, peut-être que voilà, mon destin allait en être changé si jamais je tatouais telle ou telle phrase. Donc voilà, et c'est à peu près c'est ça quoi, puisque c'est en plus c'est la phrase que le narrateur choisit, c'est une phrase sur le temps qui passe. Ouais. Qu'il trouve sur un cadran solaire quand il va en Italie, et c'est en fait les Romains tatouaient cette phrase sur leur cadran solaire: toute blesse la dernière tue, vulnerant omnes ultima necat, donc qui rappelle voilà la dernière heure, la dernière vutura. Donc je me suis dit que quitte à se tatouer une phrase, il fallait que le sens soit profond, donc voilà. Et que une phrase sur le temps qui passe, c'est intéressant parce qu'une phrase sur le temps qui passe, c'est une phrase littéraire. La littérature n'est intéressée, c'est surtout intéressée au temps. Oui, effectivement. C'est le grand sujet de la littérature, c'est le temps. Et on peut choisir un livre aussi à travers le temps. Donc, Proust en a fait son livre. Ouais, bien sûr, c'est ça. Mais on tâtonne sans arrêt sur cette histoire de la temps. Vie, l'amour, la mort. Hein. Ouais, ouais. Les trois thèmes. Si on arrive à les réunir, je pense qu'on a on a quand même capté quelque chose de très humain, ce qui est l'essentiel. Oui, c'est ça. Et puis il est question. Enfin, c'est un livre bref, mais où il est question de ça, de cette vie qui passe, et de ce rapport au temps et de ce rapport à soi à partir du moment où son corps devient soi. Est-ce que tu te considères comme une fille angoissée quand même? Oh, oui, ça c'est certain. J'ai même pas à me considérer comme telle. Je le vis comme ça et tout le monde les gens qui me connaissent bien le savent que je suis parfaitement angoissée. Quoi. J'ai un naturel inquiet. OK. Mais arrives-tu des fois à te vaporer, à oublier ça? Oui, oui, j'ai des grands moments de bonheur. Heureusement, je suis quelqu'un qui aime la vie, etc. Donc, mais à travers voilà. Quoi? À travers la musique, la nourriture, à travers la bière? Ben, voilà. Et tout ce qui réjouit. Alors, c'est épicurien. C'est marrant, ouais, épicurien, c'est drôle. Non, mais c'est un concept qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut se satisfaire de peu, en fait. Ouais. C'est pas, ouais. On avait une idée un petit peu fausse du terme. Ouais, oui, effectivement, épicurien. Ouais. Et en fait, épicurien, c'est des gens qui se satisfont de peu de choses, ouais. Et qui savent. J'aimerais bien l'être. Dans les petites choses, non, ouais. Ça me semble une grande sagesse. Alors bon, je. Est-ce que tu prends la sagesse au contraire? La sagesse est un peu... Je valorise la sagesse, mais je ne sais pas si je la prône, moi. J'ai beaucoup d'estime pour ça. Ah oui? Mais, ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup Marie-Arthur Senard, parce qu'elle est l'écrivain de la sagesse. Oui. L'écrivain qui peut créer des œuvres énormes avec des personnages qui ont des quêtes philosophiques très fortes, une vraie recherche vers la sagesse et en même temps c'est des livres où on ne s'ennuie pas, donc voilà, c'est très très fort. Mais j'ai beaucoup d'estime, mais je pense pas que je suis de cette de ce chemin là. Ouais, je suis pas exactement formée comme ça. Ben, peu importe, tu peux être influencée sans prendre le parcours. Ouais, c'est ça, là, ça c'est devient, ça. Je suis pas le genre de personne, mais ça devient de l'imitation. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. M. Solard disait imitation. Ouais. Imitation égale limitation. Oui, bien sûr. Alors, quand t'essayes d'imiter, tu limites. Non, ça fait longtemps que je n'imite plus. Et en plus, non, j'imite pas, mais comme tous les auteurs, en fait, on chope des choses chez les autres, quoi. Okay. Des tics littéraires c'est arrivé pour 2-3 petites formules qu'on okay, prenne avec et tu es la seule à la connaître bien la sûr formule, là, donc, on rend avec intérêt c'est à dire on transforme quand même quoi mais voilà aussi, dire, mais bien sûr par Dostoïevski par tous les grands je t'entends discourir d'une romancière que j'adore et qui s'appelle Marguerite, mais Duras. Ah ouais. Est-ce que tu te sens loin de Marguerite Duras? Un peu, mais j'ai beaucoup d'estime pour elle. Y a certains textes qui m'ont plus touché que d'autres. J'avais beaucoup aimé Le barrage contre le Pacifique. Je trouve que l'ensemble de ce qu'elle fait est la place encore au présent comme Marguerite Yourcenar, tu les places au présent. Ouais, elles ont apporté quelque chose, elles sont des phares quand même dans la littérature. Elles sont tellement mais en dehors même du féminin, parce que ce qui me gêne toujours un petit peu, c'est qu'on juge les auteurs en fonction de leur sexe, quoi. Je veux dire, c'est drôle, les compliments. Non, c'est pas grave, mais il y a des journalistes qui font des très beaux compliments et en même temps, ils se rendent pas. Mais ils se rendent pas compte que c'est presque blessant quand ils disent parmi les plumes féminines, c'est Stéphanie Hochet que je préfère. Mais pourquoi parmi les plumes féminines, pas être dans cette catégorie-là. Je vais être dans toutes les catégories. Il y a pas me juger. un type énorme. Il aime la trompette et le clairon, tout en préférant le clairon, qui est une trompette en uniforme. Mon ami est une valeur sûre. Il dit souvent, sans prétention, qu'à la minceur des épluchures, on voit la grandeur des nations. Subséquemment, subséquemment, subséquemment, que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent, l'appellent caporal casse-pompon. Mon ami est un doux poète. Dans son jardin, quand vient l'été, faut le voir planter ses mitraillettes ou bien creuser ses petites tranchées. Mon ami est un homme plein d'humour. C'est lui qui a trouvé ce bon mot que je vous raconte à mon tour. Ich schlafe nach die Hose und brillen so. Subséquemment. Subséquemment. Subséquemment. Comment que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent, l'appellent caporal casse-pompon. Mon ami est un doux rêveur. Pour lui, Paris, c'est une caserne. Et Berlin, un petit champ de fleurs qui va de Moscou à l'Auvergne. Son rêve, revoir Paris au printemps, redéfiler à la tête de son groupe en chantant comme tous les 25 ans. Best again, Gretchen, que je baisse la groupe. Ein, zwei, subse comment, subse comment, subse comment, que nous ne comprenons comment nos amis les Franzosen, ils osent, ils osent l'appeler caporal casse-pompon. Ein, zwei. We'll be right back. prends le train, tu prends le sein, de ta voisine. Moi je prends le rein de Birkin. Voix d'ouvrier, c'est pas l'usine. Non. Tintin, tu liras l'avenir dans les lignes de la main de celle que tu marieras demain. Mais sois pas inhumain, lui fais pas de chagrin. Quoi que tu vois, quoi que tu saches. Allez! Non mais pas de mon vin, c'est toujours le même refrain. Pot de vin liquide, ah ben ça c'est la douche froide. Hein? Tu prends un bain, tu y es bien. Tu parles, de rien. Avec ta classe de Saint-Gobain, elle ouvre son vagin. Toi laisse ton engin dans ton petit gars. Hey! Hey, tu prends un bain et Robin fait comme toi. Il prend son pied tout au fond des bois. C'est le bain de pied sans serviette éponge. Il fait la planche, il fait tap didou. Tap tap tap little tap didou. Et tu prends un bain, moi je prends un chemin qui me mène au Rhin à Berlin l'enchanteur. Et Rhein-Kommensee disent légèrement wagnérien. C'est pas ce soir que sonnera le tocsin. Sur le front monétaire de votre pays. C'est bon, tu dis que c'est sain. Parce qu'on est bien quand on est dans son bain. Tu penses plus à rien. Tu desserres les poings. Tu fais la mise au point. Tu fais mousser le shampoing. Mais te jette pas à l'eau. Comme une charlotte. Du compliment parce que je sens que c'est un compliment mais bon ouais. Quand même quoi je veux dire je vois pas enfin c'est pas comme le sport hein. On n'a pas besoin d'être dans une catégorie différente. Il y a du hockey féminin, ouais, masculin, ouais, c'est ça. Marguerite Duras. Marguerite Duras, non mais elle a clairement apporté quelque chose. Une langue, elle a inventé une langue, elle a inventé une écriture, mais en plus elle a beaucoup marqué les écrivains contemporains, ça c'est absolument certain. Beaucoup d'écrivains contemporains se sont créés. Comme je suis une romancière, j'aimerais aussi entendre toujours une appréciation ou je sais pas. Une analyse sur une femme qui a été quand même importante, qui a fait Bonsoir Tristesse. Sagan. Mais Sagan, j'aime sa désinvolture. Tu préfères sa vie à son œuvre. Ouais, ça c'est sûr. C'est okay. Certain. Pour moi, son œuvre est trop limitée. Est-ce qu'elle apportait dans les vies, c'est ça? J'aime sa façon de... En fait, j'aime sa façon de jouir, quoi. Jouir de la vie. J'aime sa désinvolture. Et en fait, ce qui dit désinvolture chez elle dit classe. Grande classe. Malgré la destruction. malgré l'autodestruction, parce que ça, ça n'est resté qu'une, enfin, entre guillemets, qu'une autodestruction. C'est pas quelqu'un qui a détruit autour d'elle. C'est quelqu'un qui avait une profonde modestie, un profond doute d'elle-même. Je trouve que ça, c'est très touchant. Puis c'est quand même aussi la preuve que c'était un écrivain, parce que quelqu'un qui doute pas, pour moi, c'est pas un auteur. Pas un écrivain intéressant. Et moi, j'aime rencontrer, c'est pour ça que je suis assez attentive quand je rencontre les écrivains, et j'en rencontre quand même pas mal, hein, parce que bon, j'ai... bah oui, quand même, par force, à la force des choses, on est amené à rencontrer des auteurs, et puis bah, je fais des très belles rencontres, et puis je rencontre des gens que je n'aime pas aussi, donc. Et est-ce que tu leur dis ou non? Non, pas, quand même. Non. Mais tu respectes la personne. Bah, parfois, j'aime ni l'auteur ni la personne, donc enfin ni l'écrivain ni la personne, mais je vais pas leur dire, mais. Mais voilà, mais je suis assez sensible aux gens que je rencontre, parce que c'est vrai que quand je rencontre des personnalités qui sont émouvantes, ouais, mais émouvantes aussi, émouvantes, qui doutent d'elles-mêmes, ben ça m'intéresse. Parce que c'est ça la création, c'est un doute constant. Ouais, ouais. Alors, il faut que ce soit un doute et en même temps pas que, parce que si on doute trop, on peut pas créer, quoi. Okay. C'est entre les deux, quoi. Okay. On peut pas être uniquement. Si on doute trop, on arrête d'écrire, quoi. C'est ça le problème. Ben, ça devient maladie. Ouais. Est-ce que tu te considères comme une féministe? Ah oui, complètement. Là-dessus, je sais pas, ça doit, comme les Québécoises ou les Américaines, enfin, j'ai pas du tout de problème. Au Québec, c'est beaucoup plus fort. Hein, c'est pour ça que je le dis comme au Québec, quoi, parce que j'ai aucun. J'ai aucune retenue. Je dis clairement que je suis féministe. Pour moi, c'est une évidence. C'est comme dire qu'on est contre le racisme, quoi. Oui. C'est évidemment que je suis pour. C'est pas toutes les filles. Oui, mais parce que c'est. Les intellectuels féminines qui optent pour. Il y a un vrai problème en France, parce qu'il y a beaucoup de femmes intellectuelles qui se sont un peu retournées contre les mouvements féministes. Qui, moi, ce genre de situation me met mal à l'aise. Et, je trouve ça un peu. Je comprends, oui, mais je comprends pas bien, quoi. Je pense que c'est aussi une facilité. C'est pour se garder une place du côté du pouvoir, quoi. Et je pense que quand on est une intellectuelle, il faut avoir la force aussi de pas être du côté du pouvoir. Et être féministe, il faut être du côté de la lutte et du côté de la rébellion, si possible, quand c'est juste. Et c'est pas l'anarchie pour l'anarchie. Non, pas du tout. Alors ça, je déteste ça. L'espèce de chaos, le fantasme du chaos. Ah ouais, non, le fantasme du chaos, j'ai vraiment une aversion pour ça. Mais je pense que je suis de plus en plus féministe, parce que je vois à quel point les mentalités n'ont pas évolué, et puis à quel point le sexisme est stupide. C'est surtout que c'est tellement ridicule. Cette prétention à se sentir supérieur juste pour une histoire d'appendice, quoi, c'est quand même pathétique. Donc en plus je trouve qu'on s'entend tellement mieux avec des hommes qui sont féministes. Ouais. On est bien, on est détendu, on peut parler tranquillement, et les femmes aiment ça, quoi. Donc faut arrêter de penser que les femmes aiment les machos. Il y en a, mais enfin c'est qu'elles ont un gros problème, et je trouve pas ça très valorisant même pour l'homme. Voilà, quoi. Donc c'est de fantasmes, de domination, d'humiliation, de je ne sais trop quoi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me paraît justement totalement maladif et malsain, quoi. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut étudier aussi les sociétés de singes. Je pense que chez les singes, il y a des comportements comme ça qui sont très caricaturaux, et l'être humain est resté très fort un singe. Donc je pense que si on étudie un petit peu plus les sociétés de primates, les clans de primates, on découvrirait des choses sur l'être humain qui sont un petit peu vertigineuses. J'ai lu, et ce qui m'a plu, parce que j'ai une formation en études cinématographiques, mais en création littéraire aussi, c'est le lien que tu as fait avec Émilie Nothomb et le bébé de Rosemary. Ah, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Mais ça, c'est elle qui avait lu un de mes livres, et qui, effectivement, c'était un livre... qui était assez proche du fantastique, et où je traitais d'une maternité qui paraissait étrange pour la mère, c'est-à-dire qu'elle était enceinte d'une, enfin, elle attendait un enfant, et elle s'est sentie, elle est passée par tous les états, et une fois que le bébé est né, elle n'a pas reconnu vraiment comme son enfant, et son enfant était très très très très étrange. Donc c'est vrai que j'ai écrit sur ce thème de pas de l'enfant bizarre, mais de, du mystère, quoi. Du mystère, de la maternité. De l'enfant. Ouais. Donc c'était un livre qui s'appelait L'Apocalypse selon Embrun, Embrun étant la petite fille qui naît. Et l'histoire de. Ouais. Non, mais bon, de toute façon, il y a des thématiques qui reviennent, je pense que. Et comme j'ai souvent un... Oui, c'est vrai que j'ai souvent un pied dans le fantastique, mais un petit peu comme les auteurs d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que c'est juste qu'on est à la fois dans le monde réel, mais qu'on glisse tout doucement dans le fantastique. C'est pas... Ouais, mais c'est aussi une forme de réalité. C'est-à-dire que... Le rêve nous amène à la réalité. Voilà. C'est comment percevoir la réalité. Et si on est très, très attentif, on peut facilement ne plus rien comprendre. Voilà, donc, et c'est vrai que de temps en temps dans mes récits, il y a un pas dans le fantastique, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'interpréter l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut interpréter l'histoire comme quelque chose, enfin comme un basculement dans le fantastique, ou alors dans l'interrogation autour des perceptions du narrateur. On se dit, mais est-ce que c'est pas lui qui me raconte ça, quoi ? Est-ce que c'est pas lui qui m'emmène dans des trucs ? Est-ce que c'est pas lui qui pense que son tatouage est en train de disparaître alors que son tatouage est parfaitement là, quoi ? Mais ça, vu que je le raconte à la première personne, en fait, le lecteur ne le sait pas. Donc, et ça, c'est un jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on utilise un narrateur... Un narrateur Dieu. Ouais. Le jeu peut mentir, le jeu peut dire autre chose. Tout est question de perception. Tu m'as laissé en souvenir de paquets de gauloises vides, un mouchoir en papier humide. Un couple se frotte sous un lampadaire, l'enseigne clignote au belvédère. Tu te sens mieux dehors, fini le corps à corps. Te moque pas de moi, j'ai mal, te moque pas de moi. Pas une photo, pas une adresse, pas un mot trop, pas une caresse. Viens comme il faut sous tes lunettes. Comme une censure, je me colle à la vitre et je faisais le pitre trois étages au-dessus. Je me suis humilié jusque dans l'escalier. Te moque pas de moi, j'ai mal. Te moque pas de moi. Y'en a qui danse, le béton résonne. Y'en a qui roupillent en famille. Je range les verres comme un célibataire. Dans le caniveau, les voitures attendent. Tu coucheras ailleurs, je te faisais pas rire. J'ai le cœur crevé comme un ballon de foire. Te moque pas de moi, j'ai mal. Te moque pas de moi. J'ai mal, hein? Te moque pas de moi. Te moque pas de moi. J'ai mal. Te moque pas de moi.